Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier les organisatrices du séminaire, donc Émilie Ruiz et Mathilde Icard, de m'avoir invitée pour parler de mes travaux sur la haute fonction publique et plus précisément sur l'enjeu de la réforme des carrières. Je suis très heureuse de pouvoir participer au séminaire. Effectivement, j'étais venue l'année dernière, mais dans le cadre d'une discussion, donc sur quelque chose de plus court. Et puis, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec messieurs Berthier et Vigouroux, que je remercie également d'avoir accepté de jouer le jeu de la discussion de mes travaux. Évidemment, c'est aussi pour moi l'occasion d'avoir un écho sur la manière dont des analyses formulées à partir d'un certain nombre d'enquêtes de terrain peuvent résonner ou pas avec des expériences et une connaissance j'ai envie de dire de l'intérieur, hein, des fonctionnements administratifs que j'essaye d'étudier. Je vais vous parler aujourd'hui de la réforme des carrières dans la haute fonction publique et ce sur quoi je voudrais insister comme point d'entrée dans ce thème, c'est sur les différentes temporalités à partir desquelles on peut essayer d'analyser cette réforme et les transformations qu'elle engendre, ou pas d'ailleurs, puisque la réforme de la haute fonction publique, hein, qui a été annoncée officiellement en 2021 par le président de la République Emmanuel Macron, et qui incluait, vous le savez sans doute, la très symbolique suppression, hein, de l'École nationale d'administration, remplacée par l'Institut national du service public, et la non moins importante fonctionnalisation d'un certain nombre de corps de l'État, est volontiers mise en scène comme une réforme disruptive, hein, pour reprendre les mots du président de la République. Et il est vrai que la configuration décisionnelle immédiate, hein, dans laquelle s'est insérée cette réforme, s'est caractérisée par un investissement politique important de la part du chef de l'État lui-même, et que l'on pourrait analyser, évidemment, dans une focale temporelle assez courte, comme participant de la construction d'un leadership présidentiel en lien avec la mise en œuvre d'une promesse électorale, puisque la réforme de la haute fonction publique faisait partie des promesses, hein, du candidat Emmanuel Macron en 2017. Et puis, évidemment, aussi en lien avec la tentative de réaffirmer les capacités du pouvoir exécutif dès le printemps 2019, hein, puisque c'est le moment où le sujet, hein, de la réforme de la haute fonction publique est remis à l'agenda par le président de la République, dans, pour le dire vite, la suite, hein, de ce qu'on appelait la crise des Gilets jaunes, hein, qui était venue mettre en cause la capacité de l'exécutif à gouverner. Donc on pourrait analyser, hein, cette réforme dans une perspective comme ça, temporelle assez courte, qui consisterait à s'intéresser aux conditions de possibilité de la réforme à un moment donné, qui est donc à analyser en particulier le rôle des acteurs politique et politico-administratif autour, hein, de l'exécutif pour réussir à mener cette réforme qui, je vais y revenir, avait été tentée par d'autres, hein, auparavant. Vous avez peut-être deviné, hein, ce n'est pas la focale temporelle que je vais choisir d'adopter principalement aujourd'hui, parce que ce sur quoi je voudrais au contraire insister, c'est que cette question de la réforme de la haute fonction publique et en particulier de la réforme des carrières dans la haute fonction publique est en réalité loin d'être une question nouvelle. Ce n'est pas un enjeu nouveau des politiques de réforme de la haute fonction publique et plus généralement d'ailleurs des politiques de réforme de l'administration. Pas nouveau, mais au contraire un enjeu qui est pris dans des temporalités plus longues que ne le laisserait penser un regard exclusivement centré, hein, sur la configuration décisionnelle précise qui est celle, hein, de 2019 à 2022, grosso modo. Il y a au moins trois autres temporalités que je voudrais évoquer successivement ce matin, en pointant à chaque fois ce que leur prise en compte nous apprend, hein, sur cette réforme des carrières de la haute fonction publique. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de minorer l'importance, hein, de la temporalité courte et de la configuration décisionnelle, puisqu'on y verrait des choses intéressantes, bien entendu, si on la regardait de près et si on étudiait les coûts joués par les différents acteurs en présence. Mais il m'a semblé que cette dimension-là avait été plutôt déjà étudiée, ou en tout cas disons qu'on en voit facilement apparaître un certain nombre des aspects dans, ne serait-ce que dans le débat médiatique, alors qu'au contraire, une approche de sciences politiques et de sciences sociales permet de voir un certain nombre d'autres choses si on prend la peine de décaler un peu le regard en élargissant un petit peu la temporalité. Donc la première temporalité sur laquelle je voudrais insister, c'est la temporalité la plus longue. La réforme des carrières de la haute fonction publique à laquelle nous assistons aujourd'hui s'inscrit en fait dans ce qu'on pourrait appeler la trajectoire d'institutionnalisation, jamais terminée d'ailleurs, d'une haute fonction publique en France. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que finalement, cette réforme, elle fait partie d'une longue histoire, d'une très longue histoire qu'on peut faire remonter au moins jusqu'à 1945 et même en fait beaucoup, bien encore plus loin dans l'histoire, la fin du 19e siècle, peut-être même avant, hein, si on inclut la question des corps techniques et la création du corps des ponts et chaussées, qui, comme chacun sait, et remonte au 18e siècle. Et pour moi, c'est intéressant d'adopter cette focale temporelle longue parce qu'elle permet de comprendre quels sont les enjeux de cette réforme des carrières, qui est celle, finalement, de la constitution d'une haute fonction publique professionnalisée à la française, de l'institutionnalisation des relations de pouvoir qui relient, sur ce que j'ai voulu appeler le marché du travail des hauts fonctionnaires, différents acteurs des politiques de la haute fonction publique. Ce que j'ai essayé de montrer dans mes travaux, notamment dans la thèse hein, que j'ai soutenue sur le marché des hauts fonctionnaires en France et en Grande-Bretagne depuis la fin du 19e siècle, le marché du travail des hauts fonctionnaires, c'est que bon, la spécificité de la haute administration française, si on la compare à ce qui existe ailleurs dans d'autres pays, c'est que le processus de bureaucratisation des plus hautes fonctions administratives a laissé une place très importante aux groupes professionnels dans le recrutement, la formation et la gestion des carrières des plus hauts fonctionnaires de l'État. La haute fonction publique française, pour le dire un peu vite, à la différence de la haute fonction publique britannique, elle s'est construite par les corps, c'est-à-dire par ces groupes professionnels qui se sont historiquement appuyés sur des savoirs spécifiques et sur des dispositifs bureaucratiques, par exemple le concours, pour mettre à distance, évidemment, c'est une mise à distance relative, j'y reviendrai, le pouvoir politique dans la gestion des agents publics. Ce processus-là, donc, de constitution d'une haute fonction publique par les corps, par les groupes professionnels, il est assez différent, par exemple, de ce qui a existé en Grande-Bretagne, où l'institutionnalisation du civil service est passée davantage par l'action d'administration qu'on peut appeler centraliste, la Civil Service Commission, le Treasury, et plus récemment le Cabinet Office, qui sont des organisations centralistes qui ont promu, avec plus ou moins de succès, hein, il ne s'agit pas de raconter ici une forme de success story de toute façon, ni dans un cas, ni dans l'autre, elles ont promu, ces organisations centralistes, la constitution d'une haute fonction publique unifiée. Et donc, c'est un modèle très différent de ce qui s'est passé en France, puisqu'encore une fois, dans le cas français, au contraire, la bureaucratisation de la haute administration, la constitution d'une haute administration bureaucratique, elle est historiquement appuyée sur la montée en puissance de groupes professionnels internes à l'État qui revendiquent une relative autonomie de gestion par rapport aux politiques et qui ont très largement fonctionné pendant très longtemps sur le mode de l'autorégulation. Alors, bien sûr, cette tension entre politique et groupes professionnels dans la haute fonction publique, cette tension entre contrôle politique de nomination et donc des carrières, et autonomie de gestion des corps, il ne s'agit pas de dire qu'elle a été résolue dans le sens d'une autonomie totale. Je parlais d'autonomie relative, cette question n'a jamais été véritablement, totalement résolue, et elle se résout d'ailleurs différemment selon les corps et les périodes de l'histoire. Il y a des corps, bien sûr, plus ou moins autonomes par rapport aux interventions du pouvoir politique dans les nominations et la gestion des carrières. On pourrait prendre plein d'exemples, mais voilà, on peut garder en tête, par exemple, que le tour extérieur du gouvernement, qui existait pour les grands corps eux-mêmes, manifestait, même pour les plus puissants de ces groupes professionnels, la permanence d'un certain nombre d'interventions politiques dans les logiques professionnelles de gestion des carrières des grands corps. On pourrait dire aussi qu'à l'inverse, c'est une tension, hein, donc ça se passe dans les deux sens, le contrôle politique officiel de certaines nominations ne doit pas évidemment éluder le poids qu'exercent les réseaux corporatistes pour délimiter, par exemple, le vivier de recrutement ou suggérer même les bons candidats à un exécutif cherchant à nommer, y compris aux positions qui sont à la décision du gouvernement, un certain nombre de collaborateurs. Donc il y a une première tension ici entre pouvoir politique et aux fonctionnaires. Bon, c'est quelque chose de bien connu et de restitué dans la littérature, je n'invente pas grand-chose ici. C'est une tension effectivement entre contrôle politique des nominations et autonomie professionnelle des corps qui traverse historiquement le gouvernement des carrières dans la haute fonction publique. Mais ce modèle de haute fonction publique, donc, qui est fondé sur l'autonomie relative des groupes professionnels, ce que j'ai voulu appeler un marché de profession, a aussi une autre implication. C'est qu'il produit une haute fonction publique qui est composite. On parle dans le sens commun de haute fonction publique, mais en réalité, ce qu'on désigne, c'est loin d'être un groupe professionnel unifié, c'est plutôt un ensemble de groupes professionnels qui font système, un système de profession au sens du sociologue Andrew Abbott, c'est-à-dire qui sont en concurrence, ces groupes, les uns avec les autres, pour monopoliser des positions administratives correspondant à certaines activités de travail au sommet de l'État. Et cette concurrence interne à la haute fonction publique, pour les positions administratives, elle permet d'entrevoir aussi ce que les relations, cette fois, entre les corps et les administrations et les organisations administratives peuvent avoir ces relations de conflictuelles. Pour le dire de manière un peu prosaïque, les administrations centrales et les organisations administratives en général dans lesquelles évoluent les hauts fonctionnaires sont autant de territoires de chasse pour les groupes professionnels qui cherchent à donc tenter d'imposer leur domination sur tel ou tel segment de l'espace administratif en s'appuyant sur des gestionnaires ministériels avec lesquels ils peuvent entretenir des rapports tantôt de connivence, tantôt au contraire des rapports plus conflictuels. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que ce qui se dessine, on le comprend, derrière la question de la réforme des carrières de la haute fonction publique, c'est ce petit triangle d'action un peu schématique que j'ai voulu schématiser, qui permet donc de rendre compte des relations concurrentielles entre des groupes professionnels, des membres de l'exécutif politique et des gestionnaires ministériels dans la question de savoir qui gouverne les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire qui gère finalement les nominations et les carrières de ces agents. Et une fois qu'on a ça en tête, il me semble qu'il devient plus facile de comprendre quels sont les enjeux de ces réformes sur le long terme. C'est là que je reviens à ma temporalité longue. La réforme présentée en 2021 par le président de la République lui-même, en fait, soulève des enjeux qui sont en lien directement avec cette question du gouvernement des hauts fonctionnaires et qui sont, on pourrait le dire, d'une certaine manière, une réminiscence, par exemple, des enjeux qui avaient pu avoir cours au moment des réformes Debré de 1945, la réforme qui donna lieu à la création de l'ENA, à la création du corps interministériel des administrateurs civils et à la création de la direction de la fonction publique, relève d'enjeux qui sont relativement similaires à ceux qui sont soulevés par la réforme récente, et d'ailleurs ce n'est pas tout à fait fortuit que le président de la République lui-même s'en soit réclamé à certains moments de cet esprit réformateur qui était celui de Michel Debré. En effet, à l'époque, en 1945, on parle déjà d'unifier la haute fonction publique et de la démocratiser, ça fait aussi partie du discours présidentiel actuel, ouvrir la haute fonction publique pour la démocratiser. Autrement dit, si j'essaye d'aller un peu vite, parce que sinon je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'un des enjeux qui affleure assez nettement dans ce type de réforme, c'est le souci de l'exécutif de lutter contre ceux qui sont accusés de provoquer le cloisonnement organisationnel et la fermeture sociale de la haute fonction publique, en particulier les grands corps. Et vu sous cet angle, la réforme Debré de 1945, elle apparaît bien comme une tentative de reprise en main de la haute fonction publique par un exécutif central, ou en tout cas par un certain nombre de hauts fonctionnaires qui cherchent à réaffirmer la primauté de l'exécutif politique sur la conduite de l'administration dans une période, je vous l'accorde, très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui, qui est une période où voilà, la conjoncture historique, hein, le contexte historique est celui de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale et aussi des concurrences entre un pouvoir exécutif et le parlementarisme, hein, qui se reconstitue après la Seconde Guerre mondiale. On pourrait ici faire des liens avec, par exemple, les travaux de Brigitte Gaïti, hein, sur les modernisateurs de la Quatrième République, les modernisateurs entre guillemets, hein, elle a étudié ces hauts fonctionnaires qui ont cherché à promouvoir un gouvernement plus centralisé, hein, de l'action publique, et notamment en s'appuyant sur un certain nombre de savoirs, etc. Je pense que la réforme Debré, d'une certaine manière, s'inscrit aussi dans ce paradigme-là à l'époque. Donc il s'agit, encore une fois, de réaffirmer la primauté de l'exécutif politique sur la conduite de l'administration, au moins autant que d'unifier et de démocratiser la haute fonction publique à l'effort. Alors, cette réforme, Debré, en fait, elle a largement échoué au regard des objectifs qu'elle s'était donnés. L'ENA et le corps des administrateurs civils n'ont jamais vraiment réussi à unifier la haute fonction publique française, non, ni même à la démocratiser suffisamment. Alors, bien sûr, il y a eu une relative démocratisation, hein. On le sait, le système des concours particuliers qui existait avant la Seconde Guerre mondiale était encore plus fermé socialement, hein, produisait une fermeture sociale encore plus importante que ce qu'a produit l'ENA par la suite. Néanmoins, il a été suffisamment montré, hein, dans la littérature que l'ENA continuait de recruter socialement une élite scolaire et qui, dans le système français, que je vais résumer très brièvement avec le terme d'élitisme républicain, est aussi une élite sociale. J'ai pas vraiment le temps de revenir ici sur les causes de cet échec, on pourra éventuellement en reparler dans la discussion si ça vous intéresse, mais pour le dire vite, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'à l'issue de cette réforme de Bray, ce sont les corps, en fait, qui ont gardé l'avantage, voire même qui ont réussi à consolider leur avantage à travers l'ENA, on pourra y revenir. Le corps des administrateurs civils, lui, s'est vu démembré par le poids des logiques de gestion ministérielle, face à une direction de la fonction publique qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer comme une organisation centraliste suffisamment puissante pour gouverner la haute fonction publique par le centre, comme ça pouvait être le dessein initial du projet Debré. Et donc, pour revenir à notre réforme actuelle, on voit bien que cette mise en perspective historique longue, elle permet de souligner à quel point donc, la réforme d'aujourd'hui, elle réactive cette question de la reprise de contrôle par l'exécutif central de la haute administration. Alors une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin et je voudrais préciser ce que j'entends par là, quand je parle de tentative, en tout cas, de reprendre le contrôle, tentative de l'exécutif central de reprendre le contrôle sur l'haute administration. Souvent, cette prise de contrôle, elle est analysée en termes de politisation de la haute fonction publique. Et d'ailleurs, les mobilisations contre la réforme de certains grands corps ou certains corps d'inspection fonctionnalisés qui ont demandé des garanties supplémentaires d'indépendance vis-à-vis du politique, hein, pour ne pas se retrouver soumis à l'arbitraire politique dans la gestion de leur carrière, tendent à indiquer, hein, qu'effectivement, il y a un enjeu ici de politisation accrue de la haute fonction publique. Bien sûr, c'est une des conséquences de la réforme que d'accentuer potentiellement le poids d'acteurs proches du politique dans la gestion des carrières des hauts fonctionnaires. C'est un aspect qui est bien connu, qui a été d'ailleurs analysé par un autre collègue qui s'appelle Jean-Michel Emery-Douzens comme une tentative de curialisation, hein, de la haute fonction publique. Donc ça, c'est un aspect qui est tout à fait intéressant. Mais moi, ce sur quoi je voudrais insister, c'est quelque chose d'un petit peu connexe, mais qui me semble souvent moins discuté et pourtant qui me semble très intéressant, c'est que cette reprise de contrôle, elle va au-delà, finalement, de l'enjeu de la politisation. La haute fonction publique française, elle était déjà relativement politisée, au moins fonctionnellement, hein, la politisation fonctionnelle, là aussi un terme employé par Jean-Michel Emery-Douzens pour décrire le caractère politique intrinsèquement des activités des hauts fonctionnaires qui côtoient, en particulier dans les cabinets ministériels, au quotidien, les membres de l'exécutif politique. Et puis les carrières au plus haut niveau, elles dépendaient déjà pas uniquement, bien sûr, mais en partie des réseaux d'interconnaissance que les intéressés parvenaient à construire, comme je l'ai dit tout à l'heure, finalement, à l'intersection des corps et du pouvoir politique. Hein. Donc, finalement, ce que change la réforme ici, pour moi, c'est peut-être pas tant cette question-là de la politisation qu'un autre aspect que je trouve particulièrement intéressant, qui est plutôt que cette tentative de reprise de contrôle de l'exécutif central, elle a aussi pour conséquence d'interroger l'autre partie du triangle que j'ai esquissée tout à l'heure, c'est-à-dire la relation non pas entre le politique et l'administratif, mais la relation entre l'exécutif central et les gestionnaires ministériels. C'est-à-dire que, en réalité, ce dont il est aussi question ici, encore une fois, sans minorer l'importance de l'autre enjeu, mais c'est la relation entre les ministères sectoriels et l'exécutif central. Pour le dire autrement, cette reprise de contrôle, elle pose aussi la question. Alors, je dis qu'elle pose la question, parce que la résolution ne se fera qu'en pratique et dans le temps. Donc là encore, je ne vais pas moi-même faire de la prospective, et je ne suis pas en train de dire que les choses ont changé brutalement d'un coup et que ce à quoi on assiste est une véritable révolution. Ça pose la question de la recentralisation de la gestion des hauts fonctionnaires, au-delà de la question des allégeances politiques et personnelles et du poids sur les carrières du pouvoir politique, ce qui se joue, c'est aussi, à mon sens, le degré de centralisation, au sens de à la fois verticalisation mais aussi interministérialisation, de notre régime politique. C'est la question, en fait, du retour du centre dans le gouvernement de l'action publique en général, qui se trouve aussi posée par cette réforme des carrières. Et donc le poids finalement d'un pôle exécutif central face à des ministères sectoriels qui s'étaient considérablement développés dans la seconde moitié du XXe siècle en lien avec des clientèles sectorielles spécifiques. Et donc ici on voit aussi un jeu de concurrence très fort hein, entre des secteurs d'action publique relativement étoffés et un pôle exécutif centraliste qui essaye finalement aussi d'émerger et de reprendre la main finalement sur la conduite de l'action publique. Et ça passe notamment, pas uniquement, mais notamment par des réformes qui concernent la gestion des carrières de la haute fonction publique. Donc voilà une première temporalité alternative à la temporalité courte, hein, donc cette temporalité très longue de l'histoire de l'institutionnalisation de la haute fonction publique qui permet de comprendre, il me semble, cet enjeu de gouvernement par le centre des hauts fonctionnaires. Cependant, si on s'en tient là, il me semble qu'on ne dit pas encore assez de choses de la réforme récente, parce que finalement, est-ce que ça ne reviendrait pas à dire « bon, old wine in new bottles hein, », comme disent les Britanniques, toujours la même chose finalement, c'est le même enjeu qu'en 1945, vraiment, c'est exactement la même chose qui se passe ? Bah, pas tout à fait, évidemment. Et c'est là que pour comprendre la spécificité de ce qui se passe aujourd'hui, il me semble qu'il faut se situer dans une seconde temporalité ou une troisième, une seconde temporalité alternative. C'est ni celle immédiate donc, du processus réformateur de 2021, ni celle de très long terme de la trajectoire d'institutionnalisation de la haute fonction publique, mais celle intermédiaire des transformations de la haute administration depuis environ 25 ans. Et donc c'est la deuxième temporalité que je voudrais évoquer, la temporalité de moyen terme, le gouvernement des hauts fonctionnaires à l'aune de ce qu'on pourrait appeler rapidement le New Public Management. Cette réforme, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Ce qui la rend très différente de celle de Debré en 1945, ce ne sont pas tant les problèmes qu'elle soulève que les solutions qui sont proposées pour résoudre ces problèmes. Cette réforme de la haute fonction publique, elle participe selon moi en fait d'un changement que j'ai qualifié de graduel, qui est à l'œuvre depuis la fin des années 1990, changement qui concerne les manières de concevoir la haute fonction publique et les instruments mis en avant pour gérer les carrières des hauts fonctionnaires. Donc des manières de concevoir la haute fonction publique, donc c'est un changement qui s'opère à un niveau cognitif et qui s'appuie sur des instruments matériels et concrets, nouveaux, pour gérer les carrières des hauts fonctionnaires. Ce changement-là, ce qui est intéressant à mon sens, c'est qu'il ne s'enclenche pas d'abord par l'intervention du politique au plus haut niveau. Il s'enclenche en fait à la fin des années 90 sous l'effet de la mobilisation d'acteurs qui sont plutôt des acteurs administratifs, qui vont défendre cette idée du gouvernement par le centre de la haute fonction publique en s'appuyant sur un nouveau type d'instrument et sur un ensemble conception des carrières que, pour aller vite, encore une fois, on peut qualifier de néo-managériaux. Concrètement, ce à quoi je fais référence ici, c'est par exemple le premier plan de réforme de l'encadrement supérieur de l'État, qui aujourd'hui a été oublié, mais qui date en réalité de 1999, et qui a été porté initialement à la DGAFP, à la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique, par un directeur général dont, ce n'est pas fortuit, le profil détonne par rapport à ses prédécesseurs. Il s'agit du premier ingénieur des ponts et chaussées à avoir dirigé la DGAFP, Gilbert Santel à l'époque, puisqu'auparavant, les postes des DGAFP avaient tous, à une exception près, été réservés à des membres du Conseil d'État. Et donc la nomination de Santel à la DGAFP, on peut la considérer comme un moment qui inaugure une transformation très graduelle et très difficile de la DGAFP, transformation qui sera ensuite poursuivie et amplifiée par les DGAFP, les directeurs généraux qui vont suivre, Jackie Richard, issu du ministère de l'Éducation nationale, puis Paul Penny, issu du corps préfectoral, qui ont essayé de promouvoir à la DGAFP une nouvelle manière de gouverner la haute fonction publique et de gouverner la fonction publique dans son ensemble d'ailleurs, en promouvant ce qu'ils ont appelé à l'époque l'idée de devenir une DRH groupe. C'est-à-dire une organisation en charge d'édicter à l'échelle interministérielle la politique des ressources humaines de l'État. Cette politique des ressources humaines de l'État se caractérise dès la fin des années 90 par cette orientation néo-managériale au sens où il s'agit de favoriser davantage de mobilité, de favoriser une individualisation des carrières, une rémunération à la performance, ce qu'on a appelé à l'époque la politique de décloisonnement des viviers, un terme qui peut paraître un petit peu technocratique, mais qui désigne en fait le souci justement de dépasser les frontières corporatistes dans la manière d'alimenter cette haute fonction publique, de lutter en fait, pour le dire autrement, contre le monopole des seuls corps issus de l'ENA sur un certain nombre de positions d'encadrement supérieur. Et donc, ce que va promouvoir dès la fin des années 90 la DGAFP, c'est en fait une nouvelle manière de concevoir la haute fonction publique, non plus comme l'ensemble des corps issus de l'ENA et des écoles d'application de l'école polytechnique, mais comme un ensemble de positions, un ensemble de positions administratives, un ensemble d'emplois en réalité. Je vais y revenir. Alors bien sûr, cette DGAFP, elle va avoir beaucoup de mal à défendre cette transformation. Il ne faut pas exagérer ce processus, encore une fois, il ne s'agit pas tout à fait d'une success story, puisque cette DGAFP, elle se heurte, bien sûr, au pouvoir des groupes professionnels qui entendent conserver la mainmise sur la régulation, sur la gestion des carrières de leurs membres, et elle se heurte aussi aux administrations sectorielles qui n'entendent pas qu'on leur dicte tout à fait leur conduite. La DGAFP a toujours eu un mal fou et d'ailleurs n'a jamais réussi à vraiment, par exemple, gouverner le corps des administrateurs civils de manière interministérielle. Il y avait bien une CAPI à l'époque, une commission administrative paritaire interministérielle, mais elle ne faisait elle était loin de gérer de manière globale le corps qui restait en fait géré par les gestionnaires ministériels. Toutefois, même si cette tentative de conversion de la DGAFP est laborieuse et difficile et se heurte à beaucoup d'obstacles, elle sème des graines dont il me semble qu'on voit aujourd'hui éclore un certain nombre de pousses. Elle va développer un certain nombre d'outils. Une mission de gestion interministérielle de l'encadrement supérieur est mise en place, un réseau de correspondants encadrement supérieur dans les administrations centrales. C'est ainsi que l'ancienne gardienne du statut va aussi entreprendre d'évider progressivement certains textes juridiques qui paraissent faire obstacle à cette volonté de favoriser la mobilité. Par exemple, on peut étudier très précisément ce que j'essaie de faire dans ma thèse, la manière dont le décret de 55 qui régissait les nominations à ce qu'on appelait à l'époque les EDD, les emplois de direction dans l'administration centrale, donc en fait les postes de sous-directeur, directeur adjoint et chef de service en administration centrale, et qui réglementait l'accès à ces positions historiquement, dont une très grande proportion était réservée aux membres du corps des administrateurs civils, va être progressivement évidée, sans être supprimée du jour au lendemain, mais la proportion réservée au corps des administrateurs civils va passer de 75 à 70, puis à 50%, jusqu'à disparaître totalement pour ouvrir finalement cet ensemble de positions à un plus grand nombre de viviers. Donc ces outils, ces textes réécrits, encore une fois, sont les graines que nous voyons germer aujourd'hui dans la réforme de la haute fonction publique. Et la DIEZ, la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, est en partie l'héritière de cette histoire-là, même si il faut ajouter ici qu'un changement important s'est effectué au tournant des années 2000, lorsque la gestion de l'encadrement supérieur a été en réalité détachée de la DGAFP est confié d'abord à un adjoint au SGG, hein, au secrétaire général du gouvernement, chargé de l'encadrement supérieur, qui est en fait l'embryon de ce qui deviendra ensuite la mission cadre dirigeant, qui précède elle-même la création de la DIEF. Et ce rattachement au Premier ministre n'est pas inintéressant à observer, hein, et sans doute le gage, en tout cas le signal d'une tentative de donner un poids plus important vis-à-vis des ministères, mais aussi peut-être vis-à-vis des corps, à ce gouvernement centraliste ou à cette tentative de centralisation du gouvernement des hauts fonctionnaires. Ceci dit, ça reste évidemment un enjeu, hein, et les acteurs qui aujourd'hui travaillent à la DIEZ à fabriquer cette nouvelle manière de gérer les carrières, on peut faire l'hypothèse, je pense sans trop se tromper à ce stade, qu'ils sont encore aux prises avec cette question de voilà, comment réussir à finalement proposer, je vais y revenir, de nouvelles manières de gérer les hauts fonctionnaires, les carrières des hauts fonctionnaires qui s'écartent des fonctionnements traditionnels corporatistes et ministériels. Donc, la question, on le voit, hein, du gouvernement des hauts fonctionnaires se pose, enfin du gouvernement des hauts fonctionnaires par le centre, pardon, elle se pose dans la réforme actuelle avec acuité, comme elle se posait en 1945, mais elle est résolue un peu différemment quand même, hein, même très différemment, puisque, encore une fois, il s'agit ici de s'appuyer sur ce nouveau répertoire d'action qui est, pour reprendre les termes de Philippe Bézès, le répertoire d'action néo-managérial. Alors, qu'est-ce que ça signifie très concrètement pour les carrières ? Parce qu'il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre le sens de cette réforme. Ce qui me paraît le plus intéressant ici, c'est, encore une fois, la transformation de la conception des carrières que portent ces réformes. Schématiquement, on sort d'une définition statutaire des carrières, reposant sur le déroulement d'échelons au sein de grades, au sein de corps de fonctionnaires, pour rejoindre une définition fonctionnelle des carrières, c'est-à-dire qui conduit à concevoir les carrières comme des parcours d'emploi qui sont construits non plus en référence à un groupe professionnel auquel les fonctionnaires appartiennent et au nom duquel ils ont vocation à occuper un certain nombre d'emplois, c'est la définition du corps, hein, mais en référence, donc ces carrières désormais construites, en référence à un portefeuille de compétences, hein, individuelles que l'agent devrait chercher à acquérir pour construire son parcours d'emploi. Alors encore une fois, il me semble que c'est un changement graduel, hein, au sens de travaux néo-institutionnalistes qui cherchent à caractériser les formes de changement à la fois transformatifs mais progressifs, c'est-à-dire qui portent des changements de nature importante mais qui ne se déploient pas dans une temporalité courte et brutale. Pourquoi c'est un changement graduel ? Parce que la composante fonctionnelle, elle existe depuis bien longtemps dans la gestion des carrières des hauts fonctionnaires. Le décret de 55 dont je parlais tout à l'heure, le décret de 1955 donc, témoigne du fait que cette composante fonctionnelle, on ne l'a pas inventée à la fin des années 1990. Ce dont il s'agit ici, c'est plutôt un processus de conversion, au sens de Streck et Thélène, hein, qui ont développé cette conception du changement graduel là. C'est l'idée, finalement, qu'une des composantes institutionnelles du système, qui était secondaire initialement, va être réactualisée et va tendre à prendre de plus en plus d'ampleur. De la même manière, la logique statutaire, elle ne disparaît pas. On n'assiste pas à la disparition du statut. On crée même un corps, le corps des administrateurs de l'État. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de dire ici, encore une fois, qu'on aurait un basculement d'une logique statutaire à une logique d'emploi. Je pense que ça serait très réducteur de voir les choses comme ça. Ce à quoi on assiste, c'est plutôt à une transformation graduelle, une hybridation, hein, des deux modèles un peu idéal typiques, hein, de la carrière, enfin du marché de l'emploi et du marché des carrières, pour le dire comme ça. Et ce qu'il s'agit d'analyser, c'est sans doute, je vais y revenir, sur le long terme, les effets que produiront ces mouvements d'hybridation. Néanmoins, cette transformation, elle est, il me semble, significative, parce qu'elle porte, encore une fois, des significations singulières des manières de penser les carrières dans la haute fonction publique, qui font d'ailleurs écho à des transformations du monde du travail que l'on observe aussi ailleurs, hein, et au-delà de la fonction publique, en dehors de l'État, hein, cette question de l'individualisation accrue des trajectoires et des carrières, le fait de devenir entrepreneur de sa propre carrière, c'est aussi des problématiques qui peuvent concerner un certain nombre de sociologues qui s'intéressent plus généralement en sociologie du travail, aux transformations du travail et de l'emploi. Donc encore une fois, c'est une hybridation plus qu'une rupture. Le statut est conservé, l'existence des corps aussi, mais on voit bien qu'un certain nombre de mécanismes d'hybridation sont à l'œuvre avec une conception fonctionnelle donc, des carrières, c'est-à-dire fondée sur l'idée d'un système d'emploi plutôt que d'un système de carrière. D'ailleurs, on peut poser la question de la manière, du type de dispositifs qui vont être vraiment mis en place pour gérer les carrières de ces nouveaux administrateurs de l'État, par exemple, parce que ce corps des administrateurs de l'État, il risque fort d'être assez pléthorique, comme l'avait été avant lui celui des administrateurs civils, ce qui avait conduit justement à rendre difficile sa gestion de manière centralisée. Et j'aime pas trop faire de la prospective, parce qu'en sciences sociales, on n'est généralement pas très bon pour ça, mais on peut faire l'hypothèse, en tout cas, que ce n'est pas vers une gestion collective interministérielle que l'on s'achemine, mais plutôt vers une gestion plus individualisée des carrières, en tout cas une tentative de la part des acteurs centralistes de favoriser une gestion plus individualisée des carrières. C'est en tout cas ce que promeut la DIEZ lorsqu'elle s'appuie par exemple sur des programmes de coaching, de repérage des talents, lorsqu'elle met sur pied des comités de recrutement ad hoc pour les postes d'encadrement dirigeant. On voit bien que ce dont il s'agit, c'est d'essayer d'infuser une conception plus individualisée de la gestion des carrières. La suppression du classement de sortie de l'ENA, enfin de l'INSP maintenant, la fin de l'accès direct au grand corps, dont j'ai peu parlé, mais on pourra y revenir dans la discussion si ça vous intéresse, induisent aussi cette question-là. On demande désormais aux élèves, qui vont donc tous, ou presque, à l'exclusion des magistrats administratifs, sortir dans le corps des administrateurs de l'État, dans le même corps, ils vont tous désormais choisir un poste à la sortie de l'INSP, plus qu'une carrière. Même dans la manière dont on recrute initialement ces anciens élèves de l'INSP dans l'administration, on voit cette logique d'emploi prendre de l'importance. Même si, bien entendu, ils entrent dans un corps et donc aussi dans une carrière statutaire à laquelle ils ont le droit et qui peuvent dérouler selon un certain nombre d'échelons et de grades, etc. Donc la question finalement, elle est de savoir dans quelle mesure cette nouvelle manière de faire du réseau, en fait, que cherche à impulser la DIEZ, fondée sur justement ce repérage des talents et la création de ce réseau encadrement supérieur, etc., sera réellement en capacité de supplanter les anciens mécanismes d'appariement sur le marché du travail des hauts fonctionnaires. Et c'est là peut-être que je voudrais glisser vers la quatrième temporalité, je vous rassure, ça sera beaucoup plus court, qui est en fait la temporalité de la mise en œuvre, voire même de la réception de cette réforme. C'est là que j'atteins la limite de ce qui m'est possible de présenter, puisque en sciences sociales, on ne travaille pas sur le futur, ou sur les choses qui ne sont pas encore advenues. Mais à ce stade, il me semble qu'on peut faire un certain nombre d'hypothèses, encore une fois provisoires, puisque, évidemment, ce que j'ai essayé de montrer là, dans cette présentation, c'est que la transformation dont j'essaie de décrire le sens ne doit pas occulter que si la portée des transformations à l'œuvre est potentiellement importante, le caractère concrètement transformatif de ces évolutions est évidemment conditionné à la mise en œuvre très graduelle de ces changements et à la transformation des pratiques concrètes de gestion des carrières. Et cette transformation des pratiques, elle ne se décrète pas. Pour le dire autrement, le changement, ce n'est pas tout à fait maintenant. C'est plutôt un changement de longue haleine qui est à l'œuvre, lui aussi, dans une temporalité de moyen terme. Notamment parce que, évidemment, comme dans toute politique publique, il n'y a rien d'automatique dans la mise en œuvre de ces nouvelles manières de penser le gouvernement des hauts fonctionnaires. Alors, j'esquisse juste quelques pistes, encore une fois, et quelques hypothèses, pour aussi peut-être ouvrir la discussion. Pour nuancer l'idée qu'on a ici, on a ici affaire à un changement radical des manières de gérer les carrières dans la haute fonction publique, il faut évidemment pointer plusieurs éléments. Tout d'abord, il ne faut pas négliger la résistance des groupes professionnels. Je ne l'ai pas évoqué, mais les grands corps, dont le recrutement donc, ne passe plus directement hein, par l'INSP, ont été largement, en tout cas le Conseil d'État et la Cour des comptes, exclus de la réforme, hein, si ce n'est protégés de cette réforme. Ou en tout cas, ils ont reconstitué un système de recrutement dont on pourrait discuter, et qui reconstitue en partie leur autonomie de recrutement. Donc les logiques corporatistes propres au Conseil d'État ou à la Cour des comptes, il y a peu de chances de les voir disparaître du jour au lendemain hein, à la suite de cette réforme. Ceci ne signifie pas qu'il n'y a pas des évolutions à l'œuvre, mais encore une fois, on peut voir que les logiques professionnelles historiques, hein, fondées sur les corps, elles ne vont pas s'évaporer de manière magique. On pourrait d'ailleurs dire la même chose des corps qui, eux, ont subi la réforme, les corps fonctionnalisés. Le corps préfectoral, le corps diplomatique ne vont pas s'évaporer du jour au lendemain parce que le dispositif juridique sur lequel s'appuyait leur professionnalisme ou leur professionnalité a été déconstruit. Il suffit de regarder le statut d'emploi qu'ont négocié les préfets pour s'apercevoir qu'un certain nombre des conditions sont réunies pour reconstituer le cursus honorum. De même, les mobilisations du corps diplomatique montrent à quel point ils tiennent à l'existence d'un groupe professionnel fondé sur des savoirs, sur une identité, sur des pratiques qui leur sont particulières. Et donc, il n'y a pas de raison de penser, encore une fois, que tout cela va disparaître dans la nature sous prétexte, encore une fois, que le dispositif juridique hein, sur lequel s'asseyait historiquement ce professionnalisme a, lui, disparu. Pour autant, il y aura sans doute des changements hein, qui vont se dérouler dans le temps en fonction de la manière, en particulier, je pense, dont les pratiques des gestionnaires ministériels vont se transformer ou pas dans le futur. Il y a fort à parier que les pratiques de gestion ministérielle ne vont pas changer radicalement du jour au lendemain. Encore une fois, elles sont liées à des identités professionnelles, à des viviers qui restent existants et qui sont persistants malgré la disparition des corps. Voilà, en fait, on a ici, je crois, un très beau sujet d'enquête pour la suite, donc je vais pouvoir continuer à travailler, puisque c'est finalement un cas typique de sociologie des professions. Qu'est-ce qui se passe pour un groupe professionnel quand son monopole n'est plus garanti par l'État, ou en tout cas quand le dispositif, encore une fois, juridique par lequel il établissait sa clôture sur une juridiction professionnelle, est attaqué ou disparaît partiellement. Et puis enfin, et je vais conclure sur cette phrase, il faut laisser le temps aux nouvelles pratiques hein, qui sont en train de se mettre en place de produire leurs effets, et cela dépendra aussi, bien sûr, de la capacité de la DIEZ à contourner pratiques institutionnalisées et à promouvoir des dispositifs alternatifs, et notamment peut-être individualisants, pour s'imposer comme une manière alternative de faire du réseau hein, et donc d'apparier, entre guillemets, les positions, les emplois et les profils. Hein, c'était aussi un terme qui était beaucoup employé dans les rapports sur la réforme de l'encadrement supérieur, hein, le fait de faire correspondre les profils au poste, hein, c'est typiquement cette manière de raisonner là. Et ça, pour l'instant, sans vouloir nécessairement jouer les Cassandres, on peut en tout cas poser la question des moyens qui seront ceux de la DIEZ dans cette capacité à promouvoir cette nouvelle manière de penser, mais aussi donc de faire concrètement hein, les carrières des hauts fonctionnaires. Voilà, je vous remercie beaucoup et je me réjouis de la discussion qui va suivre. Thank you.